This is a power style. Ok. Bienvenue sur Freestyle, l'émission des cultures urbaines. On reprend tout à zéro, on reprend tout à zéro. On s'active sur Radioactive. Faut de l'espoir pour réussir, ici c'est Freestyle. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radioactive 93 FM, 94.7 FM de Tournord à Blois. C'est sur Radioactive que ça se passe. Freestyle, c'est maintenant tous les samedis soirs de 23h à 1h. Une heure de rap français animé par moi-même, Fier Z, et une heure de gros son US animé par Monsieur Loc47. Ce soir dans Freestyle, nous avons la playlist Daidan. Au programme, nous aurons du Bosch, SDM, Carbone, Damso, L2B, Mohala Squal, Yorsi, Dinos, Rimka, Joker, Boos, PNL, Nino, FRK, Nekfeu et H-Kid. Bonne écoute à tous, bon kiff, à tout à l'heure sur Radioactive. On s'attache, on s'arrache, on se détache, l'amour est souvent le sentiment qu'arrive avant la peine. Je suis tombé amoureux une fois, je lui ai donné deux marmots d'une valeur qui reste inestimable. C'est vrai, j'ai souvent déconné, aujourd'hui on est séparés. C'est vrai, j'ai souvent déconné, j'arrivais pas à voir plus loin que le bout de mon nez. Je sais pas combien de fois j'ai fauté, mais je sais qu'elle m'a tout pardonné. Je l'ai souvent fait pleurer, je me suis habitué. Je me sentais même plus gêné, et le pire c'est que je recommençais. Je veux plus connaître l'amour, mon cœur est sous-scellé. J'ai vu une étoile filer dans le passé, j'ai fait avant. Je veux qu'on se manque de rien et qu'il soit jamais malheureux. Je vais attraper Cupido et je veux lui crever les yeux. Je suis un loup solitaire, maintenant y'a que le bif qui me rend heureux. Sois jamais malheureux. Je vais attraper Cupidon et je vais lui crever les yeux. Je suis un loup solitaire, maintenant y'a que le bif qui me rend heureux. Aujourd'hui je vois passer que des folles, elles pensent pouvoir entrer dans mon cœur, c'est des connes. C'est vrai qu'elles sont bonnes, mais elles sont trop souvent envoyées par le diable. Il est redoutable, il sait que les gros culs et l'argent me rend démoniaque. Je me confiterai plus, je me suis vidé les couilles, j'ai pas vidé mon sac. Je dors pas assez, je me reposerai quand mon heure sera passée. Tous les jours je pars à la guerre pour le blé, mais le problème c'est qu'il n'y en aura jamais assez. Tous les jours je me dis que je peux plus m'attacher, je me dis aussi que le passé je peux pas l'effacer. Je suis plus un petit, j'ai 26 piges, et ces deux fiches, je crois j'en ai dit assez. J'ai vu une étoile filer dans le passé, j'ai fait un vent. Je veux qu'on se manque de rien et qu'il soit jamais malheureux. Je vais attraper Cupidon et je veux lui crever les yeux. Je suis un loup solitaire, maintenant y'a que le bif qui me rend heureux. Sois jamais malheureux. Je vais attraper Cupidon et je vais lui crever les yeux. Je suis un loup solitaire, maintenant y'a que le bif qui me rend heureux. Plaire aux autres, ça fait longtemps j'abandonnais. Le ciel m'en est témoin, j'ai tant donné. Pour eux, je suis qu'un artiste, la pandémie. On m'a toujours dit respecte les aînés, mais je fais comment quand les aînés c'est des haineux. Je les baisse, je sais pas faire semblant d'aimer. Dans la street, pour toute personne m'a parrainé. SDM, sans moi 8. J'suis tout en haut, j'suis dans la suite. J'peux tout expliquer sur un hit. J'peux tout expliquer sur un 8. SDM, sans moi 8. J'te dis que j'peux tout expliquer sur un hit. J'peux tout expliquer sur un 8. Après les autres, je ne suis qu'un mec. A écouter mes profs, poto la vie d'SDM c'était pas ça. A écouter mes profs, j'allais finir par terre en manque de ma PSA. Mais leur rêve s'est arrêté, maintenant je fais des ronds, chaque leur salaire tend de la PSA. Je les baisse, demande aux autres faire du le sage, les fakes. Devant l'OPJ que j'ai nié les faits. J'ai dit au ciel tout ce que je veux, l'as de billets, je voulais toucher. C'est où le bonheur, moi-même à pied j'y vais. Bonheur, richesse, je veux tout. Je me suis couché

Imagine. Imagine. Imagine. Je te vois, suis-moi, je te veux pas, fuis-moi, je te veux toi. Feu de bois, je de trois, un des deux, aide-moi, un des trois, aide-nous, aidez-nous, aidez-moi. Feu de bois, je te vois, tu me dois, Dieu te voit, montre-moi que du doigt ce que t'as fait de moi. Creux de joie, que de roi, fais des bois, fais de moi ce qu'on a fait de toi. Sur le tas, sûr de toi, tu t'y crois, c'est déjà ce qu'on a fait de moi. Fais de toi, fais de nous, prends pas la tête, je ne tiens plus le coup. On bavardait sans dire un mot, le bruit de mon silence en dit non. Sentiment grandissant, figeant l'ego, prison de mots, absence de compliments. Je suis en attente, en apprentissage, très peu sage. Vu l'âge à la nage, je fuis l'alcoolisme. Sur la planche, pas je j'agonise. Une latence entre ce que je pense et ce que je dis, ce que j'obtiens et ce que je vise. Soit c'est le père ou bien le fils, soit la BR ou bien la disque. La night, ouais. Je sais ce que tu penses de nous. Quand tu dis que tu ne sais plus quoi penser de nous, je sais ce que tu veux vraiment. Quand tu dis que tu ne sais plus ce que tu veux vraiment, je sais que tu n'as plus le temps. Quand tu dis que tu penses qu'il te faut plus de temps. Baby, baby. Tu parles de moi, crash dans mon dos. Je parle de toi, crash dans ta bouche. Je serai toujours un brun négro, que t'es tes règles, que ta couche. Je te vois à travers le rideau, je t'observe quand tu te touches. Je sais pas si c'est toi ou c'est l'eau, je vois pas quand tu mouilles dans la douche. Fume quand relation s'effrite, plus le soleil dans même rayon. Qu'une parole dans que j'écris, brume gondole dans l'océan. Femme aux yeux d'hommes sont que des filles, sentiments plongés dans le néant. Puis inverse de ressenti, mais sinon se prend les devants. Je t'aime quand je suis dedans, dehors je suis plein de mépris. Ta fragilité n'est plus à prouver, quand tout allait mal et qu'on ne savait pas. On passait du temps, essayer d'en passer, à deux pôles près d'un d'un, nous sans toi et moi. J'ai brûlé tes lettres dans un feu de bois, mais j'ai toujours en tête nos jeux de bois. J'ai suivi l'oseille, toi la fée des bois. J'ai toujours en toi ce que t'as fait de moi. Girl all night. Je sais ce que tu penses de nous. Quand tu dis que tu ne sais plus quoi penser de nous, je sais ce que tu veux vraiment. Quand tu dis que tu ne sais plus ce que tu veux vraiment, je sais que tu n'as plus le temps. Quand tu dis que tu penses qu'il te faut plus de temps. Baby, baby. Si tu montes à bord, je suis dans mon movie, Jason Statham. On me dit que je suis une galère, je suis seul dans mon movie, oh là là. Seul dans mon movie, oh là là. Je l'ai mélangé chez Ghost, elle aime les restaurants, les belles choses. Parce qu'elle est bien pour moi, je remets tout en cause. Lé lé lé, ya, lé lé lé, ya. Je réfléchis tout seul sur mon s'appeler en FaceTime. Je me prends pour Itch, en ce moment j'étudie la femme. J'ai un vol, on se voit next time. On peut s'appeler en FaceTime. Je me prends pour Itch, en ce moment. Laissez-moi juste m'en aller. Je veux tout emballer. Tout pour ma famille d'abord. Sois bien renseigné si tu montes à bord. Je suis dans mon movie, Jason Statham. On me dit que je suis une galère. Je suis seul dans mon movie, oh là là. Seul dans mon movie, oh là là. J'fume la critical, j'suis étourdi, j'vois la vie en vertical. Elle voudrait mon salaire et des Weston. J'la mets sur pause, j'en prends une autre. Chaque soir j'me remets en question. Si tu m'parles pas en argent, c'est non, non. J'dois gérer ma gestion. J'veux juste m'en aller, m'aller. Le bédo, l'héroïne, la coca, j'ai tout emballé. Trop de camé, trop de trous dans les poches de manana. J'suis tout le temps calé, calé. J'me connais. Maintenant je marque le but de la tête. La tête ma chérie, j'ai la détente. Je suis en détente. Laissez-moi juste m'en aller. Je veux tout emballer. Que pour ma famille d'abord. Sois bien renseigné si tu montes à bord. Je suis dans mon movie, Jason Statham. On me dit que je suis une galère. Je suis seul dans mon movie, oh là là. Seul dans mon movie, oh là là. On me dit que je suis une galère. Je suis seul dans mon movie, oh là là. Seul dans mon movie, oh là là. Oh là là. Let's go, my girl. À soir avec Bendejo, j't'ai posé, j'roulais mon pédo, on écoutait midi minuit. Et voilà que t'es passé, même dans le noir tes yeux brillaient. Qu'est-ce que t'étais bien habillé, parfumé comme il fallait. Pour t'avoir j'ai galéré, galéré, galéré, galéré, galéré. Ça le temps est passé, avant-hier j'l'ai embrassé. Oh ma Luna, j'te certifie comme Bellucci. C'est pas mon outil, elle au placard elle m'a écrit. J'me fais plaisir de te la décrire, son innocence me fait sourire. J'suis pas là pour dépenser gros, c'est moi son pansement. Elle mon cœur il lui suffit gros, j'kiffe quand elle sourit. Son corps c'est une tuerie, ses petites mains font craquer. Elle n'oublie jamais de rappeler moi, j'oublie jamais Hervé. Oh ma Luna, j'suis désolé, j'suis désolé. J'ai tourné, tourné, toi tu m'as pas oublié. Toi tu m'as même mandaté. Oh ma Luna, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Tu fais jamais de chichi, et pour moi t'en nager. Oh ma Luna, c'est toi que je veux. J'te veux que toi, bah ouais j'te veux. Oh ma Luna, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Tu fais jamais de chichi, et pour moi t'en nager. Oh ma Luna, c'est toi que je veux. J't'ai dit j'te veux. Bah ouais j'te veux. Oh ma Luna, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. J'ai pour moi t'en nager, tu me l'as jamais rappelé. Je me rappelle au placard tes mandats, tes appels. Oh ma Luna, chaque mois t'as fait de la paix. Je me rappelle, ouais Luna, je me rappelle. Les galères, les problèmes, ben des routes, fous la haine. Tu sais même pas pourquoi tu l'aimes, tu récoltes le blé qui sème. Oh ma Luna, malgré tout ça t'es encore là. Tu baisses jamais les bras, toi tu croyais en moi. C'était toi qui brillais pas, toi le matin t'étais brillant. Tu t'as fait dur pour que l'argent rentre, moi tu rentres en prison. Devant toi j'ai l'air d'un con, la squad c'est fini les conneries. Au fait ton il me rend fou, tu t'en foutais que j'ai pas de sous. Que des soucis dans les poches, mais Luna lâche pas la perche. Toujours là pour son approche, même sous piche il la respecte. Galant quoi qu'il arrive, pour Luna ça m'est chillé. Oh ma Luna, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Tu fais jamais de chichi, et pour moi t'en nager. Oh ma Luna, c'est toi que je veux. J'te veux que toi, bah ouais j'te veux. Oh ma Luna, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Tu fais jamais de chichi, et pour moi t'en nager. Oh ma Luna, c'est toi que je veux. J't'ai dit j'te veux. Bah ouais j'te veux. Oh ma Luna. Oh ma Luna. Oh ma Luna. Oh ma Luna. Oh ma Luna. Oyo qui angoya bien. Oyo qui angoya bien. Y greco la pepi. Fox Bibi décédé pour remplir la CB. Toujours la même équipe depuis Minodo. Qui aura la même équipe avec le million. Dorénavant, équipe mon rap et ma mélo. Elle dit que je suis mignon, je dois rendre fière la mama. La route est longue comme le viaduc de Millau. En plein chemin, je peux pas m'arrêter là. T'es mal laissé à ne lever qu'en dilo. Boy, il me faut une bitch, il me faut une wag. Peut-être quand la petite met sa wig. Il faut que je les quiebra pour acheter une watch. École buissonnière mais tu me vois en classe A. Il me faut une belle ebony taille mannequin comme Aya. Je crois en Dieu moi je suis pas un païen. Je les regarde là-bas c'est des faux gars boy. C'est des faux gars boy. Le terrain est miné boy. Le terrain est miné boy. Le terrain est miné boy. Ah ça sent la CR. Faut mettre les gants comme sur le CR. Ça sent la CR. Faut mettre les gants comme sur le CR. Et c'est des faux gars boy. Le terrain est miné boy. Le terrain est miné boy. Le terrain est miné boy. Ah ça sent la CR. Faut mettre les gants comme sur le CR. Et ça sent la CR. Faut mettre les gants comme sur le CR. J'suis dans la zone boy. Major au football. J'suis dans la zone boy. Fuck elle est faux boy. Terrain est miné gros. J'ai parié le gros lot que des manitabos. Compatriotes sont tués pour du coltan. Terrain est miné gros. J'ai mis les mains dans la merde de ça quand on y va. Terrain est miné gros. Miné gros.

pas dit qu'il n'y a pas d'argent dans les sentiments, que ça ne remplit pas le compte en banque, qu'elle n'a plus confiance car les hommes mentent, mais qu'avec moi c'est différent. Si je joue avec elle, je dois lui dire maintenant, elle aime me sentir sur sa langue, quand je suis frais comme un bonbon à la menthe. J'ai dit à cette fille tu manques, elle m'a dit qu'il n'y a pas d'argent dans les sentiments, que ça ne remplit pas le compte en banque, qu'elle n'a plus confiance car les hommes mentent, mais qu'avec moi c'est différent. Si je joue avec elle, je dois lui dire maintenant, elle aime me sentir sur sa langue, car je suis frais comme un bonbon à la menthe. À la menthe, je rafraîchis sa langue, la température augmente. À la menthe, je rafraîchis sa langue, la température augmente. À la menthe, je rafraîchis sa langue, la température augmente. À la menthe, je rafraîchis sa langue, la température augmente. Bébé, t'auras tout ce que tu demandes. Mon pouvoir se trouve entre tes jambes. Mon pouvoir se trouve dans mon argent. Pour le savoir, pas besoin d'être intelligent. Certains pour toi pourraient braquer la diligence. Ton petit cœur ne sera jamais indulgent. Par le passé, t'as été déçu par les gens. J'ai passé tout l'été à tes champs. À part ça, j'ai rien fait de bien méchant. J'ai couru après ma chance, pas pendant mon absence. Ton bel mec se rentre dans ta chambre. Fais tomber ta robe Yves Saint Laurent. Je veux voir tes bretelles rouler sur tes hanches. Laisse-moi danser sur ta langue. Je t'en prie, mets pas les dents. Prends-moi comme un bonbon à la menthe. J'ai dit à cette fille, tu manques. Elle m'a dit qu'il n'y a pas d'argent dans les sentiments, que ça ne remplit pas le compte en banque, qu'elle n'a plus confiance car les hommes mentent, mais qu'avec moi c'est différent. Si je joue avec elle, je dois lui dire maintenant, elle aime me sentir sur sa langue, car je suis frais comme un bonbon à la menthe. J'ai dit à cette fille tu manques. Elle m'a dit qu'il n'y a pas d'argent dans les sentiments, que ça ne remplit pas le compte en banque, qu'elle n'a plus confiance car les hommes mentent, mais qu'avec moi c'est différent. Si je joue avec elle, je dois le dire maintenant, elle aime me sentir sur sa langue, car je suis frais comme un bonbon à la menthe. À la menthe, je rafraîchis sa langue, la température augmente. À la menthe, je rafraîchis sa langue, la température augmente. Je rafraîchis sa langue, la température augmente. À la menthe, je rafraîchis sa langue, la température augmente. Moi, c'est t'auras tout ce que tu demandes. Ton pouvoir se trouve dans ton argent. Mon pouvoir se trouve entre mes jambes. Pour le savoir, pas besoin d'être intelligente. Certaines pour toi pourraient vendre leur indépendance. Tu sais que le mot amour rime avec souffrance. Je le pâte et tout leur à l'abdomen recommence. J'ai claqué toute ma monnaie sur les champs. À part ça, j'ai rien fait bien méchant. Je t'en prie, cesse tes reproches. Dois pendant ton absence. Ne dis pas que t'as fait preuve d'abstinence. Et pas moi des je t'aime et tu me manques. Je t'apprécie, je ne veux pas que tu me mentes. Viens annoncer sur ma langue, ça fait longtemps que je t'attends. Et donne-moi ton bonbon à la menthe. Ce mec m'a dit que lui manque. Je lui ai dit y'a pas d'argent dans les sentiments. Que ça ne remplit pas le compte en banque. Je n'ai plus confiance car les hommes mentent. Mais qu'avec lui c'est différent. Si elle joue avec moi, qu'elle me dise maintenant. Je veux le sentir sur ma langue. Il est frais comme un bonbon à la menthe. Ce mec m'a dit que lui manque. Je lui ai dit y'a pas d'argent dans les sentiments. Que ça ne remplit pas le compte en banque. Je n'ai plus confiance car les hommes mentent. Mais qu'avec lui c'est différent. Si elle joue avec moi, qu'elle me dise maintenant. Je veux le sentir sur ma langue. Il est frais comme un bonbon. C'est plus la même derrière les barreaux solo. Y'a plus de poteaux. Y'a trop de photos, trop de motos, trop de ghettos. Vengeance. On s'aime passer chacun son côté, j'ai pas le temps pour les pacotis. Sur le bas côté, je fais tout pour moi, ça est petit. J'suis dégoûté, j'suis même pas en première, ça veut déjà ralentir, j'suis chez les grands. Tout est bon si j'prends un gros montant. J'me demande si le bonheur fera tapiner encore longtemps. Des années que j'suis présenté, ils disent qu'ils veulent plus de paix, mais ils prennent des calages, la chevrotine. Comptez par mille, ça serait pas mal. Sentirait sans passer par là. La rue, c'est pas tout le monde qui relance. Toute ma life, je l'ai passé là. Dis qu'on a rien à leur prouver. Pour rester un bon, j'ai tout fait. C'est vrai, ça dépend des affinités, des copinages. Mais il était pas pareil quand c'était moi. J't'avoue, tous un peu opportunistes comme les loups. Il me faut de quoi goûter. La vie, faut pas qu'on la loupe. C'est plus la même derrière les barreaux solo. Y'a plus de photos, même pas les vrais. Y'a trop de photos, trop de motos, trop de ghetto. Ça tue le ghetto, faut que ça m'aille. J't'avoue, tous un peu opportunistes comme les loups. Faut de quoi goûter. La vie, faut pas qu'on la loupe. C'est plus la même derrière les barreaux solo. Y'a plus de photos, même pas les vrais. Y'a trop de photos, trop de motos, trop de ghetto. Ça tue le ghetto. Que ça, c'est plus la même derrière les barreaux solo. Y'a plus de potos, même pas les vrais. Y'a trop de photos, trop de motos, trop de ghetto. Ça tue le ghetto, faut que ça m'aille. J'ai le démon, faut tempérer. Mais t'arrives, comment tu vas?

ça on a du temps à gagner. Yeah. Viens prendre une large avec moi, laisse-moi te faire ça, laisse-moi gérer ça. On a du temps à gagner, des billets à prendre. Cali sur la mer, le gun cali sur la tente. Bébé, je pourrais pas attendre. Quand la nuit m'aperçoit, je pense à nos exploits, nos merveilles, nos réseaux. Je veux recommencer là, même parfum, même endroit. Laisse tomber les cours, on sera jamais calé en droit. Tu veux qu'on fume la bonne gueule? Ma main passant dans tes cheveux, j'y passerai bien la nuit, la journée, même la vie. Tu veux des balles à nocturne, à boire l'amour comme opium, à se droguer pour la même pure, même vue, même vie, à se doper pas su ensemble. Sur ton blouson laine, on laisse passer le temps, reprend ce qu'on s'aime. La nuit m'apprend la reine, mais part de ses conseils. Accrouse encore le soir pour qu'apparaisse la flamme. J'aimerais tuer la diablesse qui est dans la femme. Tes copines restent là, pensent que je suis dans la fête. Oh oh oh, je prends ton cœur, m'enfuis avec. Nous, on n'est pas des amoureux du bas. Je veux toi, les yeux fermés, j'entends pas quand tu parles. Qui nie la voix, la jalousie, la haine, l'amour, la tempête. Les cris de joie, les grandes blessures, la guerre, la foi en grande perte. Non, la vie sans toi, je ne connais pas. J'avoue, je captais des putes à CD au départ. Maintenant, on danse sur la musique, tu ris sur l'air de trompette. Tu veux qu'on pousse, qu'on baisse, tu laisses ton rouge à l'aide sur mon lapin. La bonne queue, ma main passant dans tes cheveux. J'y passerai bien la nuit, la journée, même la vie. Tu veux des balles à nocturne, à boire l'amour comme opium, à se droguer pour la même pure, même vue, même vie, à se doper, à suer ensemble. Comme d'habitude, un plaisir d'être avec vous. Mais hop, attendez, on bouge pas, on reste connecté sur Radioactive. Là, c'était la partie française. On enchaîne tout de suite une heure de gros son animé par Monsieur Lock 47 sur Radioactive. Une heure de gros son US. Je vous souhaite une bonne soirée. À samedi prochain sur Radioactive. Bienvenue sur Freestyle, l'émission des cultures urbaines. On reprend tout à zéro. On s'active sur Radioactive. Faut de l'espoir pour réussir, ici c'est Freestyle.